reste bouche bée, je suis circonspé. Je tombe à la renverse dans je ne sais quoi. Est-ce vraiment ce que je vois? Je me pince, je me gifle, ivre. Je plonge puis je flotte à la dérive. Je suis abasourdi, je m'écroule, je plie. J'ai la nausée pour un peu, je vomis. C'est un cauchemar du sang qui jaillit de nulle part. Une étreinte folle des bras de l'enfer. Puis-je rester stoïque, baisser la tête apathique, habité dans une de timide compassion. Alors qu'en moi tout tremble d'émotion. Je flotte puis je coule à la dérive. Je vais trouver à vivre, à aimer. Je n'ai pas de fusil pour les flaguer. Ces cœurs pétrifiés que l'amour ne perce, qui massacrent mon âme et se l'éteint.